animation complète. Oui, votre méchant docteur est de retour après 4 mois d'absence. Est-ce que je suis en forme? Bien sûr que non. Est-ce que les auditeurs m'ont manqué? Encore moins, bien sûr. Mais la véritable question est celle-ci. Est-ce que vous êtes en carence? Votre dose hebdomadaire de méchant métal et bien gras métal? Je crois que oui. J'ai eu la malchance de rencontrer quelques-uns d'entre vous pendant l'été et vous avez toujours la même question. Quand est-ce que Réanimation reviendra en onde? Et ma réponse était toujours la même. Aussi, bien sûr, ce n'est pas de tes affaires, pauvre clown. Ma comté de Saint-Estan, vous avez votre réponse. C'est ce soir que Réanimation reprend du service. Et ce soir, j'entamerai la récapitulation de certaines parutions intéressantes, métal bien sûr, de l'été, qui auront suscité mon intérêt. Voici donc Réanimation, The Undead Incorporated Show. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'après avoir mis sur la glace la pratique pendant plusieurs mois, il a perdu quelque peu la main, et que chaque manipulation et intervention sera 100 fois plus hasardeuse. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated, cause I, Pendragon, said so. Go. And you're falling on the And in those days men shall seek death, and shall not find it. And they shall desire to die, and death shall fly from them. vous, 89.1 FM. 89.1 FM. Vendredi 18 septembre, le collectif Stomping Tree débarque au Zénob. Pour une soirée totalement festive, folk et blues trash, regroupant des musiciens de divers projets comme les Chiens de Ruelle, Street Meat, Old Crocodile ou Hard Up, soyez de la fête au Zénob pour le collectif Stomping Tree, ce vendredi 18 septembre, 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. J'ai pas rien que ça à faire, pardon. Est-ce que vous avez-tu besoin d'aide, madame? Hey, vous seriez bien gentil, monsieur, mais comment vous remercier? Est-ce que ça vous tente d'animer la radio? Ben là, mais hein? Embarquez! À son âge requis, here we come! À son âge requis, avec Mathieu Plante et Tania Baudin, du lundi au jeudi matin de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette édition de retour de réanimation en ce 22 septembre de l'an de disgrâce 2015. Je suis le Dr. Pain Pendragon, and I'm back! Et je vous accompagnerai, métalliquement parlant, jusqu'à 21h. Et oui, pratiquement jour pour jour, il y a eu 4 mois que réanimation aura fait une pause. En fait, plus qu'une pause estivale, puisque la dernière édition était le 19 mai dernier. Tout ceci dans le but de faire place à la diffusion des matchs des Aigles de Trois-Rivières. En fait, je fais partie de ceux qui ont cédé leur place parce que je ne suis pas le seul. Et ma foi, ça aurait été profitable parce que les Aigles ont été déclarés champions le week-end dernier. Hurrah! À que cela ne tienne, je suis bel et bien de retour pour encore une autre saison métallique de chronique cinéma, de chronique musicale et de toute autre chose qui ont plus ou moins intérêt à cette émission ou connexe, comme vous le voulez. Mais... ceci étant dit, je suis de retour. On vient d'entendre à l'instant 4 formations qui ont des styles, ma foi, très éclatés. À l'instant, la formation hollandaise Monolith Death Cult et la pièce Human Wave Attack qui est tirée de l'album Tetragrammaton de 2013. En fait, c'est le dernier album studio complet qu'ils ont fait paraître à cette formation qui donnait initialement à leur début dans un métal beaucoup plus death brutal. Maintenant, on parle encore de death metal, mais d'inspiration par moment électronique. Moi, ça me plaît beaucoup. Le dernier EP, Blood Cult, m'a plus ou moins intéressé. Par contre, en fait, il y a plusieurs... je crois qu'il maintenant, ils ne sont que deux. Ou peut-être qu'il est même seul, le leader du band. Bref, ça l'a changé un petit peu. C'est un petit peu moins, frappant. Moi, je pense que c'est le terme frappant. Nous avions juste auparavant Machu Guy et la... Ben, en fait, ils sont plus présentés, j'imagine. La pièce Bleed qui est tirée de Obscene qui est paru en 2008, un excellent album sous étiquette Nuclear Blast. C'est toujours très, très bon écouter Obscene de Machu Guy. Formation que je n'avais jamais passé encore en animation. Sixth. Formation qui donne dans un... ça se rapproche un peu de ce avec quoi on a ouvert, soit ATS. Progressif, death, groove, en fait, toutes sortes de trucs mêlés ensemble. La pièce était... Ben, je trouve ça pas mal bien, je dois dire. La pièce étant As the Earth Spins Round. C'est tiré de leur dernier et... deuxième et dernier album studio de 2006, Death of a Dead Day. Formation existe toujours. Formation qui vient d'Angleterre, en fait, pour le moins du United Kingdom. C'est une formation qui ne semble pas très active, par contre. Et parlant de formation qui est pas vraiment active non plus, en fait, au niveau de la production d'enregistrement, c'est justement Atheist avec qui on a ouvert le bloc et l'émission avec la pièce Second Son, la pièce d'ouverture de Jupiter qui est parue en 2010. C'est la dernière parution de nos amis d'Atheist. Ils sont toujours existants. Ils sont peut-être pas très actifs, mais bref, je crois que ce serait bien qu'ils puissent nous retourner en studio pour nous fournir un nouvel album, parce que moi, je trouve que c'est un métal très intéressant et très original. J'aurai une chronique cinéma pour vous, une chronique musicale qui va accompagner le bloc qui suit dans quelques instants, bien sûr, parce qu'au fil des derniers mois, si on parle au niveau de séries télévision, de cinéma, j'ai vu quand même pas mal de trucs. De là à vous dire qu'il y en a plusieurs qui m'ont marqué, c'est faux. Ou qui m'ont marqué pour les mauvaises raisons, ça serait vrai. Mais en fait, disons qu'il y a eu beaucoup... Il n'y a pas eu de sorties, je dirais, grandioses, si on veut. Comme souvent, à tous les étés, on a des trucs vraiment spectaculaires qu'on attend, qu'on a hâte de voir. Ici, il y en avait quelques-unes, effectivement, des sorties que j'avais hâte de voir, mais qui m'ont moyennement déçu. Par contre, j'ai vu de très bonnes séries télé. Et ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans l'émission, parce que, comme je l'ai dit, comme j'ai annoncé sur le site de réanimation, soit dit en passant, le site de réanimation est toujours très actif. C'est pas parce que j'étais pas énormément moi-même actif sur le site de l'émission durant les derniers 4 mois, quoi que j'ai, tous les semaines, je faisais quelque chose de nouveau, que le site était abandonné. Non. En fait, le site va redevenir complètement actif. Il est depuis le week-end dernier, toutes les semaines, vous allez avoir des nouveautés qui vont s'ajouter pour les chroniques à venir, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours un truc qui peut être une référence pour vous, à savoir ce qui va arriver dans la semaine à venir. Comme je l'ai annoncé, donc, sur le site de réanimation, sur le site de Sifu aussi, je débute un premier survol, en fait. Je dis un premier survol, oui, dont la plus grande partie des deux, ce soir, des sorties métal de l'été, en fait, depuis le 19 mai jusqu'à aujourd'hui, si on le veut. Comme je le disais, des sorties métal qui m'ont interpellé, qui m'ont plu, ou simplement que j'ai décidé de mentionner, parce que c'est pas tout ce qui m'a plu, puis on le doit bien le dire, hein. Cette année, c'est pas la manne, donc il y a eu de très bonnes choses par contre, mais j'ai pas retenu une quinzaine, voire une vingtaine d'albums, au contraire. Mais ce soir, je vais vous en présenter quand même sept extraits de cet album, et non cet album complet, parce que je serai pas sorti avant demain matin, puis j'ai pas le temps. Mais on va débuter ce soir avec... des trucs que j'ai trouvé qui valaient la peine. Et ça va aller comme suit. On va débuter avec Jungle Rot, un extrait du dernier album Order Shall Prevail. The Balshery, tiré de Fuck Humanity. Sinister, Sinister, ce qu'il faut savoir avec Dark Memorial, c'est que c'est un album, tribute, si on veut, cover. Cataclysm, avec une pièce tirée de Half Ghost and Gods. Fear Factory, tiré de Genexus. Crescent, tiré de Forge and Fury, et Eight Eternal, tiré de Infernus. Donc, on va débuter tout de suite avec ce beau petit bloc de 32 minutes et quelques, dans lequel on va faire un survol des premiers trucs qui m'ont quand même assez intéressé, je dois le dire. Donc, c'est parti, go! We'll be right back.

Declaration of War Iron Clan. Declaration of War Iron Clan. Declaration of War. We are warriors. We are warriors. We are warriors. We are warriors. We are warriors. We are warriors. We are warriors. We are warriors. I will in. I will in out. I will in. I will in out. You are a prisoner. êtes assez fou. 89.1. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Samedi le 19 septembre prochain, votre café-bar Le Zénobe accueille en ses murs le trio Néligan. Pour une soirée jazz de grande qualité, soyez au Zénobe ce samedi 19 septembre 21h30 pour le trio Néligan. Le Zénobe, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. La chanson t'a dit quelque chose. La voix t'a dit quelque chose. Sur place, peut-être bien l'émission. Il n'y a qu'une chose que tu sais pas, c'est que Skypunka est maintenant de retour tous les vendredis entre 20h et 22h. Fait que je t'attends. We're on our knees, but we will rise again. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. ...20h16, et oui, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show pour encore presque 45 minutes. Oui, j'avoue que ce bloc-ci était relativement long. Avant cette pause publicitaire, on a entendu Eight Eternal, la pièce-titre Infernus, qui est tirée de cet album paru le 24 août dernier sur Season of Mist. J'ai lui accordé une note de 8 sur 10, j'ai beaucoup aimé cet album, mais ce n'est pas encore mon préféré, je dois le dire. Il demeure toujours Fury in Flames. Juste avant, nous avions Crescion et la pièce Oracle of the Hound God, c'est tiré de Forge in Fury, qui est paru le 7 août sur Century Media. Un très bon album pour Crescion. Mais j'avoue que Sword and Storm est toujours mon préféré. Fear Factory et la pièce titre également, Genexus. Cet album qui est paru sur Nuclear Blast le 7 août dernier, j'ai beaucoup aimé l'album de Fear Factory. Soit dit en passant, Crescion, je lui ai donné un 8 sur 10 également, tout comme Eight Eternal. Fear Factory, je lui ai donné aussi un 8 sur 10. Ce que j'ai apprécié particulièrement avec cet album de Fear Factory, dont il ne reste Burton Seabell et Dino Cazares de la formation originale, et qu'ils sont revenus un peu à des racines, je dirais, de l'époque je pourrais dire possiblement de Obsolete. Avec des sonorités qui sont un petit peu plus actuelles, bien sûr, mais un vocal qui, malgré le fait que souvent Fear Factory peut être relativement martelant, un vocal qui est assez, je dirais, mélodique pour le genre, bien entendu. Nous avions Cataclysm, la pièce Black Sheep, c'est tiré de Of Ghosts and Gods, qui est paru le 31 juillet dernier. C'est le 12e album de la formation canadienne sous étiquette Nuclear Blast. Moi, pour Cataclysm, l'album m'a laissé relativement froid. J'avoue, honnêtement, que j'ai déjà été un plus grand fan de Cataclysm que je le suis maintenant. J'ai tendance à dire que c'est un peu répétitif. Ce que je reproche peut-être majoritairement à Cataclysm, c'est que en studio, bon, on comprend que si on fait abstraction de Maurizio qui est le vocal, c'est un trio au niveau des musiciens, et en studio, on a l'impression encore que c'est un trio, donc il manque peut-être un peu de remplissage, ce qui peut se faire facilement par des overdubs, au moins de guitare. La pièce de Black Sheep, je trouve quand même bien, mais c'est un album auquel j'ai malheureusement accordé une note de 5 sur 10, parce que comme je l'ai expliqué dans une chronique que j'ai fait cet été, qui n'est plus en ligne présentement, du moins, je ne le crois pas. Non, elle ne l'est plus. Cet album de Cataclysm of Ghosts and Gods, le 5 sur 10 est parce que je ne pouvais pas l'aimer à la fois. Donc, j'ai décidé d'être neutre. Juste auparavant, nous avions Sinister, un extrait de Dark Memorials qui est paru le 26 juin dernier sur Massacre Records. qui se veut être un album de reprise, probablement des pièces qu'ils ont aimées par le passé ou qu'ils aiment toujours, ou qu'ils ont influencées, hein, so whatever. La pièce étant The Creator Under the Guillotine. Et j'ai beaucoup aimé leur reprise parce que, évidemment, mis à part le vocal, musicalement, c'est quasi intégral à l'original. Donc, ils ont fait un bon travail et le reste de l'album est tout à fait intéressant. Aussi, The Barchery, 9e album, en fait c'était le 12e album pour Sinister, 9e album pour The Barchery, puis quand je dis 9e album, c'est bien sûr studio, je fais abstraction des compilations, des EP ou des albums live, donc cet album qui portait le titre de Fuck Humanity, c'est assez évocateur de l'esprit où il se trouve, où il se trouvait, qui est paru le 10 juillet dernier sur Massacre Record également. La pièce étant Ironclad Declaration of War, ben Fuck Humanity, c'est un album assez correct de Debauchery. Ce qu'il faut savoir avec Debauchery, c'est que dans un premier temps, c'est un groupe qui évolue sous une bannière death metal, oui, mais ils allient souvent une portion ou une grosse influence qui devient un peu plus hard rock. Donc, c'est pas du brutal death metal. D'ailleurs, ce qu'ils font avec le projet, le side project, le projet à côté, Blood Gods, ben, c'est typiquement du, je dirais, c'est un peu du AC/DC, mais sur une overdose, ce qui est très bon d'ailleurs. Donc, pas étonnant de voir que ces gars-là ont une influence qui devient quelque peu racinaire au niveau du hard rock. Et on a ouvert avec Jungle Rot et la pièce Doomsday. C'est tiré de l'album Harder, Sharp Prevail, qui est paru le 30 juin. Album que j'ai présenté au Serre Classique ici il y a quelques semaines, et, peut-être même quelques mois en arrière, sur Victory Records. Jungle Rot, ce n'est définitivement pas mon meilleur album, Harder, Sharp Prevail. Comment pourrais-je dire? C'est un album que je trouve un petit peu mou comparativement à ses prédécesseurs. Pas vilain, mais un petit peu mou. La semaine prochaine, on va continuer ce survol des albums qui m'ont intéressé ou j'ai trouvé intéressant de parler. On va entendre parler de Motorhead, on va parler de Aggression, oui, et 30 ans plus tard ou à peu près. On va parler de je sais plus trop là, de pas quelque chose. Hein, d'accord. De Slayer, bien entendu aussi. Je vous en parle pas tout de suite de Slayer. Je sais que on en a parlé, Rockmaster et moi, il y a 2 semaines. Rock classique, on avait choisi chacun une pièce d'un album de Slayer. J'en avais fait un peu mon opinion en onde. Je vais garder ça pour la semaine prochaine pour pouvoir en parler un petit peu plus longuement dans le cadre d'une émission de cette émission Metal qui est réanimation. Bref, mais c'est pas vilain. Ceci étant dit, côté cinéma, bon, écoutez, je l'ai dit d'emblée tout à l'heure, j'ai vu quand même quelques trucs là. L'été est possiblement pas la saison qui se prête le plus pour moi pour écouter un nombre de films pas incalculable, mais en fait considérable, contrairement à ce que je fais l'hiver. Mais j'ai quand même fait certaines tentatives et je dois avouer que plusieurs d'entre elles se sont avouées être un échec. Mais bon, c'est subjectif. Par contre, il y a des choses que j'ai bien aimé. Un des films que j'ai beaucoup aimé cet été, c'est un film allemand, mais qui a été traduit en français, qui porte le titre de Le Labyrinthe du Silence. C'est un film historique de Giulio Ricciarelli. Ça ne fait pas très très allemand, j'en conviens. Mais bref, ça raconte l'histoire d'un jeune procureur allemand en 1958 qui découvre des pièces qui lui semblent être essentielles et qui pourraient lui permettre l'ouverture d'un procès contre d'anciens criminels SS qui auraient servi à Auschwitz. Et il focus beaucoup sur le SS Dr. Death in Charge, soit Joseph Mengele. Donc c'est un film qui, effectivement, qui est historique, légèrement romancé, sûrement. Mais c'est vraiment très bien fait, c'est admirablement bien joué, interprété, et ça raconte tout de même une histoire qui peut pas laisser grand monde indifférent là. Mais aussi le titre est très évocateur parce que le fameux procureur se heurte à une loi du silence dans cette Allemagne qui est post-guerre, en fait, très peu d'années après la fin de la guerre, la reddition de l'Allemagne. Donc, c'est un film qui est vraiment, par moments, je dirais frustrant, mais à la fois fort intéressant. Je lui accorde une note de 8,5 sur 10. Autre film que j'ai vu et que, honnêtement, j'attendais avec pas grande impatience, mais que j'attendais avec un certain bonheur, il s'agit de Avengers Age of Ultron. C'était le deuxième chapitre de ce film sur les Avengers, qui met en vedette Robert Downey Jr., très, très, toujours très bon acteur. Chris Evans, entre autres, Captain America, Chris Hemsworth, qui est Thor, et bien, évidemment, là, je pense, le panoplie des autres, là, Hulk et compagnie, puis Black Widow et Hawkeye. Ben, écoutez, je suis resté un peu sur mon appétit. Autant j'avais aimé énormément le premier, que celui-là m'a laissé quelque peu perplexe, voire même déçu. J'ai trouvé que c'était un peu inutile comme film. C'était long. On nous abordait et on s'étirait sur des aspects qui étaient pas vraiment palpitants, puis qui faisaient pas vraiment l'envie d'aucun spectateur de connaître ce qu'on veut voir dans un film de super-héros, ce qu'on veut voir dans un film des Avengers quand on a plusieurs super-héros qui sont ensemble. Ben, c'est simple, hein? On ne demande pas à notre cerveau de faire grand effort. On veut de l'action, puis on veut que ça brasse. Ça brasse dans les dernières 30-40 minutes du film, oui, mais faut se rendre jusque-là. Et puis le reste, je l'ai trouvé comme un petit peu pénible. Ce n'est pas un mauvais film, parce que des mauvais films, j'en ai vu cet été, puis j'en parlerai probablement même pas ou à peu près. Mais c'est pas un bon film non plus, et je pense, sincèrement, qu'il se pourrait que le filon du Super Hero Movies soit présentement un peu essoufflé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si la demande est là, les producteurs vont en faire encore. Est-ce que ce serait bien de penser de se ressourcer ou de prendre une pause ou simplement de dire on va prendre un décalage entre une prochaine production pour pas brûler le gaz avant le temps? Je sais pas, mais bon, The Avengers Age of Ultron, j'ai accordé une note de 6 sur 10 et je dois dire que je me suis senti généreux. Truc plus récent que j'ai écouté le week-end dernier, ben moi je suis un fan de, comme pas mal de gens je présume, de Game of Thrones, et un des personnages qui probablement laisse le moins les spectateurs indifférents, ben c'était Jon Snow, qui est interprété par Kit Harington. Ben, c'est un film dans lequel il joue. C'est un film d'action, connotation espionnage. C'est un film britannique. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être bon, ça. Ben, écoutez, perdez pas votre temps avec ça, parce que c'est un film sans saveur. Malheureusement, comme je l'ai dit dans la chronique sur le site de réanimation, ben, c'est pas parce que Jon Snow, Kit Harington, The Game of Thrones est dans le film que c'est garant que ça va être bon, et ça vient de le prouver. C'est sans saveur, c'est pas vraiment intéressant, c'est pas mauvais, mais c'est pas vraiment intéressant dans le sens que ça traîne. Je lui ai donné une note de 5 sur 10 et je dois dire que je me considère encore ici un peu généreux. Un film que j'ai trouvé mais vraiment pas très bon là, c'est un autre film de super-héros, c'est bon, le X-ième remaniement, je dis X-ième, c'est pas vrai, il y en a pas tant que ça. Parce que dans le fond, c'est depuis, je dirais, 94-98 qu'on tente l'expérience avec The Fantastic Four. Des expériences initiales qui n'ont pas été très convaincantes, étaient pas très populaires non plus, et pour ceux qui les ont vus, là, on comprend pourquoi. Ici, on revient encore avec un remaniement, parce qu'on sait que dans la mi des années 2000, on a fait The Fantastic Four et Rise of the Silver Surfer, qui ont été la suite, qui étaient des films un peu bonbons, là, faut en convenir aussi, là. Puis, mais qui, en bout de ligne, après les avoir écoutés une deuxième puis une troisième fois, je me disais, ben, il y a peut-être quelque chose de pas si mal finalement, mais c'était assez moyen. Ben celui-là fait passer les deux prédécesseurs pour être pratiquement des chefs-d'œuvre, parce que celui-là, The Fantastic Four, qui est un film de Josh Trank, qui met en vedette Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, entre autres, que ce sont des acteurs qu'on a peut-être croisés à l'occasion, mais moi personnellement ils m'ont pas marqué, et encore moins là. ben on revient vraiment en arrière pour nous faire comprendre comment chacun des quatre fantastiques sont devenus ce qu'ils sont dans les quatre fantastiques. Mais j'avoue que les 30 premières minutes sont assez bien. Parce qu'on retourne en arrière dans la jeunesse de Red, qui est un peu le leader, si on veut, des quatre. Ce segment-là est intéressant. Il donne l'impression qu'on va citer un sacré bon film. Mais par la suite, c'est là que ça se gâche. C'est un peu n'importe quoi. C'est étiré l'élastique pas mal. Puis ça nous mène pas à grand-chose. Puis en bout de ligne, on se dit « Ouais, je pense que je viens de perdre mon temps. » Donc, pour le début, les 30 premières minutes, ou 30 à peu près 30 premières minutes, je vais accorder un 3,5 sur 10. Ça mérite pas plus que ça. Puis honnêtement, moi, j'ai plus vraiment l'intention de voir perdre mon temps avec les Fantastic Four, qui, soit dit en passant, est un des plus vieux... ce sont parmi les plus vieux super-héros de Marvel. Mais je pense que ça s'exploite en comic book ou en dessin animé, mais en film, ça se prête pas très très bien. Un truc que j'ai vraiment aimé au niveau d'une série télévisée, qui est une série que j'ai découvert sur le tard, que quelqu'un m'a conseillé, qui a débuté en 2011, s'est terminé en 2014. Il s'agit de la série The Killing, qui est une série de Vena Sud, qui a fait Cold Case, entre autres, et qui met en vedette Mireille Enos et Joel Kinnaman, ainsi que Billy Campbell. C'est une excellente série policière. Il y a 4 saisons, dont la 4e ne comporte que 6 épisodes. Mais c'est très prenant, c'est très déroutant parce qu'on nous met... En fait, c'est une enquête policière autour de meurtres crapuleux. Et la première et deuxième saison ne sont consacrées qu'à un seul unique cas. Donc, au bout de 26 épisodes, si je ne m'abuse, on sait ce qui arrive. On fait des spéculations tout le long. On est certain qu'on a trouvé le coupable et fouf, dans les minutes, ça dérape et ça nous amène sur un autre truc. C'est très original. Par contre, je dois dire que le personnage de Sarah Linden dans ça, qui est joué par Mireille Enos, parfois devient un peu pathétique. Mais ça fait partie du personnage et c'est ce qui nous, malgré le fait que ça a un aspect qui soit un peu, des fois, comme je l'ai dit, pathétique, c'est ce qui nous fait entrer dans le personnage et dans la série. C'est vraiment bien. Et son partner policier, il est un vrai paumé par moment, donne une couleur très particulière à cette série. Donc, The Killing, elle n'a pas mélangé. Ben, en fait, c'est pas mélangé. Vous pouvez le faire. Mais il y a aussi une série qui s'appelle The Killing, qui est une série du Danemark, si je ne m'abuse, et qui est sensiblement exactement la même chose, mais version européenne. Je ne l'ai pas vue, mais semble-t-il que les critiques s'accordent pour dire qu'elle est aussi bonne. The Killing, je lui donne facilement un 9 sur 10. C'est vraiment très, très bon. Je vais en venir à bout si je veux pas être capable de finir l'émission un jour ou l'autre là. Je suis content de voir que ça c'est débuté. J'ai pas commencé encore parce que je suis un fan de Walking Dead. Ce ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas Frank Darabont qui a travaillé sur cette série qui s'appelle Fear of the Walking Dead. C'est tout le même AMC qui est derrière ça. Et c'est la préquelle de Walking Dead. On nous explique en 6 épisodes, donc c'est une très mini-série. Donc on nous explique comment est venue cette foutue contamination des zombies. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je vais m'attaquer, là. Je présume, d'une journée à l'autre, là. Donc, c'est AMC Channel, c'est Fear of the Walking Dead. Je suis vraiment curieux. Je vous tiens au courant là-dessus. Dans les trucs qui pourraient peut-être être intéressants pour vous à voir, qui sont en salle depuis peu. Bon, ben, je vais dire, pouah! Hein, qu'est-ce que tu dis, toi? Il dit rien. Bon, il dit-tu quoi, là? Ben, ouais. Il rit de moi. Je sais. Je suis désolé, Aras, je me suis accroché dans mes mots. Qu'est-ce que je disais donc? Film en salle depuis peu. Un film de producteur québécois, réalisateur, cinéaste québécois, Denis Villeneuve, Sicario, qui met en vedette l'excellent Josh Brolin, Benicio Del Toro et Emily Blunt. C'est un thriller policier. Et ça semble être excellent. Donc, je pense que c'est à surveiller, ça, sur le grand écran. Autre chose qui pourrait être fort intéressant aussi, c'est Black Mass, qui est un film de Scott Cooper, qui met en vedette Johnny Depp. Très bon, Johnny Depp. qui raconte, ben, en fait, c'est un peu, je dirais, historique, si on veut, gangster historique. C'est dans les années 70 à Boston. C'est un agent du FBI qui fait une espèce de pacte avec un mafieux irlandais, James Bulger, pour qu'il collabore avec les FBI pour éliminer la mafia italienne. Donc, les previews sont fort intéressantes. Ça risque d'être très, très bon aussi. Et un autre film qui est en salle présentement, qui est la suite du premier, Le Labyrinthe. Le Labyrinthe de Maze Runner, si vous préférez, un titre original qui est paru en 1914, oui. En 2014, qui avait été assez bien, je dois dire. Dans le genre, c'était fort correct. Eh bien, c'est la suite Maze Runner de Scorch Trial. Les critiques jusqu'à présent sont assez divisées. Certaines disent que c'est un film dépourvu de contenu, de scénario principalement, un film à effets spéciaux, et d'autres disent que c'est divertissant. Mille pardons. Eh bien, on va s'en faire une opinion nous-mêmes avec Maze Runner de Scorch Trial. Il a surveillé le 2 octobre, Seul sur Mars avec Matt Dillon, The Martian, ça risque d'être un film de science-fiction intéressant. Et le 16 octobre, aussi un film de Steven Spielberg qui met en vedette Tom Hanks, Bridges of Spy, qui parle de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Ça risque d'être fort intéressant, c'est en salle le 16 octobre. Voilà. On va continuer musicalement, cette fois-ci, avec... ça va être le dernier bloc, que j'ai comme l'impression, de la soirée. Mais avant que je l'oublie, n'oubliez pas que à 21h, c'est Matière Noire qui sera en onde. Mission qui porte sur le métal, bien sûr, à connotation peut-être plus progressive. Et aussi, bien entendu, parce que vous ne m'avez pas entendu à Réanimation pendant les 4 derniers mois, mais vous m'avez entendu à tous les vendredis, mis à part 3 semaines, là, petit break là, de rock classique, les vendredis dès 11h jusqu'à 17h. C'est rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Cette semaine, on vous présente une mission encore tout aussi éclatée, électrifiante. Le Rockmaster vous propose des albums classiques, album obscur, et moi je vous propose encore 10% plus de stupidité. Donc, ça risque d'être fort intéressant, Rock Classique cette semaine, dès 11h. Donc, allons poursuivre cette fois-ci avec un bloc qui donne dans un métal un petit peu plus, par moments plus gros. Oui, d'accord. Et avec lequel on va débuter simplement avec ce qui suit. Hello everybody, this is Ashmedai from Melakesh. You're listening to Reanimation, the Undead Incorporated show on CFOU 89.1 FM.

20h53. Cette émission de retour tire à sa fin. On vient d'entendre à l'instant la formation Asphyx et la pièce Der Lancer. On trouve sur Death Hammer, leur plus récente parution de 3 ans, 2012, sous étiquette Century Media. Juste auparavant, nous avions Vader et la pièce Exen Kassel, tirée de Tenny et Inni, qui paraît en 2014. C'est la dernière parution aussi, sur Nuclear Blast. Et nous avons ouvert avec Melekesh et la très bonne pièce de Pendulum Speaks, qui est tirée de leur dernière parution de 2015, Hanky. Sous l'étiquette Nuclear Blast, c'est un très bon album pour Melekesh. En fait, je dois dire que généralement, j'en connais 4, je crois, de Melekesh, et ils ne sont pas décevants. Certains ont une production quelque peu granuleuse, mais musicalement, c'est vraiment très bien, très très bien. Comme je vous l'ai dit, théoriquement, les gens de Matière Noire devraient être ici pour 21h. Espérons-le. Moi, je vais vous laisser sur une dernière pièce, mais avant, je vous invite à être de retour la semaine prochaine, mardi prochain, dès 19h, pour une autre édition de réanimation. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons faire une autre deuxième partie, si on veut, de ce tour de table des sorties métal et associées de cet été. En fait, ce qui m'aura intéressé, piqué ma curiosité, et ainsi de suite. Je vous relance l'invitation pour ce vendredi dès 11h pour Rock Classic, une autre édition pour les vrais amateurs de vrai rock. En compagnie du Rockmaster et moi-même, votre humble serviteur, le Dr. Pain Pendragon, je vous laisse avec une dernière pièce de cette formation projet, si on veut, Nader Sadek, qui est le nom, en fait, de l'instigateur de ce projet. Une pièce tirée de leur première parution de 2011, In the Flesh, une excellente pièce, Petrophilia. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, j'ai pas perdu la main, hein. N'oubliez pas, allez tous vous faire foutre. Ciao, see you.